épisode 18. Bonjour à tous. Bonjour. Bonjour à tous. Alors les loulous, comment ça va aujourd'hui? Bien. Ouais. Bah ça va très bien. Rien de particulier? Alors, hier on a enregistré Oriane, bien sûr. D'accord. Mais elle est dans la classe de qui, Oriane? De Ellie. C'est vrai, elle est dans ta classe? Non, de Noémie. Ah, mais les enfants de la classe de Noémie, ils ont le droit aussi de participer au podcast. C'est des copains. Bah oui. On les voit dans la cour. Bah oui. Ouais. Qu'est-ce qu'elle vous a raconté, Oriane? Bah, qu'elle allait bien. Ouais, on va pas spoiler le reste du podcast. Hein. C'est elle qui va nous le dire. Et vous, vous avez fait quoi aujourd'hui? Ce matin, j'ai eu de l'écriture. Ça a été nickel. C'est vrai? Du début à la fin du matin. Quoi. T'aimes bien l'écriture, alors? Non. Mais comme je voulais gagner du temps, j'ai fait ça. Tu préfères les maths? Ouais. On avait un exercice qui était trop bien. En fait, on avait fait des petites pochettes dans le cahier. Et par exemple, on a collé une étiquette dessus. C'était écrit vêtements. Et bah, pantalon, hop, je le glisse dans vêtements. Et c'était quoi? C'est des mots comment, ça? Il allait appeler ça comment, le maître? Des mots? Outils. Ah non, les mots outils, on l'a fait avant. Des mots G. Des mots génériques. Génériques. Et Lou aussi, elle avait des mots génériques. Tu as fait quoi, toi, Lou? Quand est-ce que tu avais des mots génériques? Sur mes cartes. Et les cartes, elles servaient à quoi? Elles servaient à faire des nombres, là. À faire des nombres. On écoutait un son et il fallait trouver la carte qui est avec. Ok. On écoute Oriane? Oui. Oui. Oui, allô? C'est qui? C'est Oriane. Ça va? Ouais. Tu sais que là, t'es en train de t'enregistrer dans un micro. Alors, qu'est-ce que t'as fait de tes journées? Je regarde la télé, je fais mes devoirs. Je fais des jeux de CD et je joue au BD. Et tu fais quoi? Je joue au BD, je joue à ma tablette, je regarde la télé. Et tu vas bien? Oui, m'ennuie un peu, mais... Qu'est-ce qui te manque et pourquoi tu t'ennuies? J'ai envie d'aller à l'école pour retrouver mes copains. Bonjour à mes copains. Ça va bien, ton petit frère? Oui. T'as écouté les podcasts d'avant? Oui. Ça t'a plu? Oui. Avant, t'as vu, il n'y avait pas le jingle, mais là... On a choisi de mettre un jingle. Ouais. Ils vont bien, tes parents? Oui. Ils sont où? Bah, papa, il est à côté de moi et puis maman, elle est à mon travail. D'accord. T'as fait des poissons pour le 1er avril? Oui. Et toi? Des poissons d'avril. Des cachalots? Salaud! On a fait une guirlande avec des poissons. Je l'ai mis à l'intérieur dans ma cuisine. Et tout à l'heure, on va le mettre à l'extérieur. Moi, j'aime pas trop aller dehors, moi. J'ai plus Arthur qui y va. Est-ce que tu joues du piano? Un petit peu. Tu te rappelles quand on avait fait la salle d'instruments? Ouais. C'était trop bien. Ouais. Mais là, on peut pas aller chez toi parce qu'il y a le coronavirus. Tu pourras demander à tes parents s'ils veulent bien et puis on pourra recommencer. Bah, je dis bonjour à tous mes copains. Et je dis bonjour à mes frères. Ah oui, c'est ta maîtresse, toi. Bah oui, bien sûr. Au revoir, Oriane. Au revoir, Oriane. À bientôt. Au revoir, Oriane. Bon, alors, pas mal, cette interview? Ouais. Elle avait pas mal de choses à nous dire, Oriane. Ouais. Elle s'ennuie un petit peu, apparemment. Oui. Ouais. Je lui ai dit qu'est-ce qui te manque dans tes amoureux? Ellie, elle arrête. Bon, faudra la rappeler de temps en temps alors, hein. Ouais. Pour lui donner la pêche. Mmh. On lui refait un coucou? Ouais. Coucou, Oriane. Coucou, Oriane. À bientôt. À bientôt. À bientôt. Et nos auditeurs, on leur dit quoi? Au revoir. Au revoir. Tout le monde. Et à demain. Et à demain pour l'épisode 18. 19. Ah, 19. Oui. Allez, on file.